L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui tremblerais-je dans mon cœur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair et m'écraser, ce sont eux mes ennemis et mes adversaires qui chancellent et tombent à mes Quand une armée se dresse devant moi, mon cœur ne craint pas la bataille. Quand une guerre s'élève contre moi, je demeure confiant sous ta toile. Une chose que je demande à lui, chose que je cherche ardemment, habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie constamment. Car au jour du malheur, il me cachera dans le secret de sa tente, il me placera sur un roc élevé, au-dessus de la tempête violente. Je veux offrir des sacrifices de joie, chanter et célébrer l'Éternel. Écoute.